une trêve générale des conflits internationaux jusqu'aux batailles banales. Je veux juste une journée sans guerre, une journée sans haine, juste une journée sans colère, seulement une sans problème. Juste un bulletin de nouvelles sans suicide ou homicide, seulement qu'un sans génocide. Mais est-ce que c'est possible d'avoir un moment de répit à l'abri des soucis? Juste un moment sans tragédie à savourer la vie, seulement qu'un instant sans affrontement ni accident. Pas juste en Amérique, sur tous les continents. Une journée sans famine, une sans mauvaise mine, une journée sans qu'un enfant pose son pied sur une mine. No more drama to make you crazy, no more negativity to come your way. No way. De paix, universelle dans le respect. Une journée sans décès, sans reste en paix. Une seconde sans violence, une minute sans malchance. Juste une heure ou deux à passer sans la moindre souffrance. Juste un jour sans attentat, un jour sans explosion, sans coup d'état, un jour sans guerre à la télévision. Une saison sans pluie, une saison sans sécheresse. Un jour de liberté où personne est en laisse. No more drama to make you crazy, no more negativity to come your way. Sans stress, sans tristesse, seulement qu'une journée sans que personne se blesse. Je veux juste une journée sans armes, une journée sans drame, une journée sans vacances, seulement qu'une loin des larmes. Je parle d'un jour sans drame familial ou conflit racial, un jour où tout le monde est égal, sans classe sociale, un jour sans éruption, un jour sans pollution, un jour sans trahison, seulement qu'un jour sans la corruption. Un monde sans Bush, Ben Laden ou Saddam Hussein, un monde où tout le monde a sa place et personne ne règne, un monde sans religion, un monde sans politique, un monde sans bombes atomiques ou bactériologiques.